J'ai comme poigné le mauvais, vas-y. Hey, salut tout le monde. Et voilà Mathieu Bélanger, pêcheur aguerri, qui était venu faire une chronique. On a Israël Trudel-Denis, qui a eu une merveille cette semaine. Une merveilleuse aventure et qui va aussi vous parler de son club de balle. Dans son club de balle, j'aime ça, c'est pur. Et puis, Simon-Pierre Bilodeau, Sommer, professeur Sommerstein, tellement de noms différents. Oui, c'est moi, j'en incarne plusieurs. On est de retour en studio. Est-ce que tu as un comique cette semaine? Non, mais je vais en avoir une la semaine prochaine. C'est juste qu'il faut que je prépare toute ma documentation, tout le stock, parce que je veux surtout pas la manquer. Donc, on est très content de te voir. Hein? Ça me fait plaisir, les gars. Et voilà, t'as été comme un père absent, hein? Ça me fait plaisir, Israël. Et puis, on a même mis ta tune thème sonore à toi. Oui, merci. J'apprécie beaucoup. Charmante attention. Oh, c'est tout cute. Je vous ai préparé du bon stock afin de... compenser l'absence de Bruno, tout disons. À fait. Et sinon, le film de ce soir qui a été voté au douteux.org, c'est un film qui date de 1998. C'est un film qui est sorti la même année que Rage, mais le film qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle Ravage. Sinon, avant d'aller écouter la première toune, j'ai préparé comme du contenu là-dessus. Charles Michael Kittredge Thompson IV. C'est Frank Black, c'est le créateur des Pixies. Mais c'est un gars de Boston. Et puis, les Pixies, c'est un groupe qui a souvent été associé à la vague indie parce que ça a pogné surtout en Angleterre. Et puis, Kurt Cobain a souvent dit, sans le son des Pixies, Nirvana n'aurait pas été. Donc, Frank Black, qui est un génie de la musique contemporaine, on va écouter ici un extrait qui date d'un de ses albums de 1994. C'est Calliston, c'est vraiment excellent. On écoute ça, puis on vient en studio pour parler de choses et d'autres avec Sommer. Allô? Ah, c'est cool. Used to be one lane. Used to be Mexican. Allô, c'est Jacques Chevalier. Vous écoutez 70% à chaque FM. Là, si ça me prend une joke, je vais aller la chercher puis je reviens tout de suite. Somorus Sanctifius Fecalus. Somorus Sanctifius Fecalus. Je suis là. Vous m'avez incanté, je suis là. Un Japonais découvre une femme vivant dans un placard de sa maison. Alors, c'est un Japonais intrigué par la disparition mystérieuse d'aliments dans son réfrigérateur qui a eu la surprise de découvrir qu'une femme vivait clandestinement dans un placard de sa maison depuis plusieurs mois. Ce célibataire de 57 ans s'était résolu à installer une caméra de sécurité dans sa maison de Fukuoka afin de comprendre ce qui se passait dans sa cuisine. Et lorsqu'il a vu sur l'écran de son téléphone portable une femme se promener à l'intérieur de son domicile pendant son absence, il a immédiatement appelé la police. Nous avons fouillé la maison et avons découvert la femme dans un placard, a raconté un porte-parole de la police de Fukuoka. La clandestine, une certaine Tatsuko Horikawa, âgée de 58 ans, était cachée dans la partie supérieure d'un placard à peine suffisante pour accueillir une personne allongée. Elle y avait installé un matelas et plusieurs bouteilles d'eau. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle n'avait nulle part où habiter. Elle semble avoir vécu ici pendant environ un an. Elle a passé un an dans le placard. La femme a été arrêtée et les policiers la soupçonnent d'avoir aménagé d'autres caches dans des placards des maisons environnantes. Moi, là, je la connais pas, là. J'ai juste entendu ce que tu viens de me dire à propos d'elle, mais je soupçonne qu'elle conne. Ouais. Eh bien, est-ce qu'on dit qu'elle est sortie du placard après? Israël Trudel-Denis, intervention pertinente, mais moi, je veux que tu me parles d'une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie. Deux concepts immélangeables, comme le coke et la vanille. Je t'écoute. Comme tout le monde vous savez, je raconte une aventure de job par semaine. Et bien, cette semaine, je travaillais au Club Soda pour une soirée VIP RDS, où le monde en veston-cravate allait se lancer de la broue à eux autres en checkant des vidéos d'eux autres qui parlent. Donc, j'arrive. Ouais, c'était ça. Ça résume bien. Fait que là, il y avait comme Chantal Maccabée, tu sais, voyons, le trio, là, Jacques Demers, c'est les... Le Cerbère démoniaque. Gardien de la porte des enfers, constitué de la tête Alain Crête, de la tête Jacques Demers et de la tête Benoît Brunet. Tout à fait, ils Fabuleux. Étaient là. Il n'y avait Fabuleux. Pas Yvon Penneau et l'archipontif des enfers. Mais je pense qu'il y avait une game ailleurs. À commenter ce soir-là ou whatever. Il y avait plein de monde en veston-cravate, du monde habillé propre. Est-ce et tout, que et j'ai tout. Entendu le nom du baron Chantelois à un moment donné? Oui, il était là également, mais attends, j'ai oublié un petit de le mentionner. Est-ce qu'il y a vraiment une momoite, le baron? J'ai pas pu remarquer, je l'ai pas caressé de si près. Je l'ai juste caressé du regard. Donc, pour cette soirée-là, on a mis des sommes... Des sommes astronomiques d'argent. Parce qu'on a modifié le Club Soda au complet. On a mis un plancher de tuiles blanches. On a mis des rideaux, des coussins en cuir partout. Des chaises blanches qui n'appartiennent pas au Club Soda. Des barmen invités qui faisaient flipper leur verre. Qu'on connaît pas. Fait que juste ça, là, ça a dû coûter au moins... une somme que j'aurais jamais dans mes poches. C'est malade, mais c'est important qu'il pète plus de brou que l'année d'avant, sinon tout le monde aurait été déçu. Et l'escalade s'ensuit, c'est comme quand on fait des parties. Là, Chantal Maccabé montait sur le stage, puis elle parlait du HD, là. Ah. Puis je m'en calissais. Il y avait du monde habillé en noir qui se promenait avec des bouchées. Tartare de saumon, monsieur. Puis moi, j'avais pas le droit d'en manger. Ben non. Mais tu vois, Chantal Maccabé. Puis t'avais surtout HD, pas le droit d'être content du show musical. Hein, t'avais surtout pas le droit d'être content du show musical. Non, ben justement, ça s'en vient. Punch, punch, punch. Donc, toujours est-il que sous les ordres de mon effaré, de mon boss, je cours d'un bout à l'autre en montant en caisse de bière et autres, et il me dit, un m'a donné, ce qui sera un des plus beaux moments de ma vie, il me dit, va porter de l'eau et ouvrir les bouteilles de vin qui sont dans la loge. Je suis dyslexique, j'ai dit ben. Fait que je m'en vais dans la loge pour y découvrir... Attention! Que je n'en croyais pas mes yeux. Roulement de tambour, s'il vous plaît, ou voix de Chewbacca. Attends un peu, j'ai ici la toune de victoire de Super Contrat. OK. Donc, il y avait la Compagnie Créole! Wouh! Yeah! Hey, c'était hot. Fait que la Compagnie Créole, qui est un groupe que je respecte beaucoup et que j'écoute souvent en vinyle... Dans la fin, c'est le vinyle que j'écoute le plus chez moi. Ils étaient là, puis là, j'étais trop gêné pour leur parler. J'ouvrais leur bouteille de vin, puis en fait, j'étais tellement timide que j'ai même pété un bouchon, puis c'est vraiment mal passé. Donc, dans la même soirée, Israël, t'es en train de me dire que t'as rencontré le baron Chantelois, le cerbère démoniaque. Chantal t'as rencontré Chantal Maccabé et la compagnie créole qui faisait un spectacle pour tout ce beau pour monde. Pour tout ce beau monde-là. Et le monde, j'en arrive au point qui me fait chier, le monde de RDS se crissait pas mal de la compagnie créole. Alors, salut, ça va bien? Puis on entendait les mouches voler après. Il répondait pas à ça va bien. Ouais, il répondait pas à ça va bien, ça faisait même pas comme. Ouais. Hey, ça allait mal, hein? Ben, c'est quoi le présumé? Puis moi, j'aurais payé le 70$ pour aller les voir au Centre Bell. Ouais. J'ai pas pu, j'avais pas assez de moyens. Puis eux autres, ils avaient les moyens pour changer le Club Soda en blanc. C'est mais... ça. Puis comme tu travaillais aussi, ben, il fallait que tu transportes des caisses. T'as pas pu voir le show, t'as pas pu célébrer non plus. Parce que non. Si le monde qui était invité, ben, il gueulait pas, ben, toi qui payais, peut-être ça allait comme changer de mot. Donc, j'appellerais ça, c'est cette espèce de situation-là, une mauvaise distribution des ressources musicales. Hein? Il y a du monde qui mange, puis il y en a d'autres qui crèvent de faim. C'est ça. Mais il y en a qui ont exactement la compagnie créole. Ah, puis un autre fait cocasse la soirée, j'ai eu mon deuxième plus dégueulasse vomi à ramasser. C'est une fille habillée, habillée propre. Ça va sûrement être découpé des archives. Recommence un de ton. Mon deuxième pire vomi que j'ai ramassé, parce que ça fait longtemps que je travaille dans les domaines, là, puis je ramasse souvent du vomi, mais mon deuxième plus dégueulasse, la fille est tombée en vomissant avec son beau linge à 500$. Wow, puis elle est tombée, puis là, elle saignait dans son vomi du menton, tu sais. Oh. Ils ont rempli l'ambulance. Oh, man. Ben, cocktail bar open, c'est ça que ça fait. Hein? Quand t'es la femme à un des vestons cravates, tu peux te le permettre. Hein? Hein? C'était mon histoire. Et voilà. Hey, merci, c'est pur là, quand même. On mélange le cerbère démoniaque et la compagnie créole. C'est du peu. Mathieu Bélanger, on met ton intervention de côté encore un petit peu. Je vais me permettre de parler de Ravage, le douteux qui a été sélectionné au douteux.org. Tout le monde est le bienvenu pour aller voter. Donc, Ravage, 1998, quelle belle année. J'emménageais dans mon premier appartement, Cookie Land, à Rouyn-Noranda. Un endroit unique où je fis toutes les expériences que vous pouvez imaginer et desquelles j'adore parler. 1998... T'as-tu fourré? Oh, Chris, oui, il t'attend. 1998, c'est surtout, et pour les besoins de la cause avec un C majuscule, l'année de parution des deux meilleur film de Gary Daniels. En effet, Rage et Recoil, Recoil en français Ravage, deux productions de Pépin Méry virent le jour la même année que la crise du verglas. Rage sera laissé de côté. Nous allons ce soir nous concentrer sur Ravage. Donc, ce soir, Ravage, pas Rage. C'est de toute manière, hein, on s'en doute. Réalisation de Art Camacho, idée originale. Ben, ils écrivent original, mais vous le verrez plus tard, une graine de toast oubliée dans le fond d'un grain de pain pour répondre à ce niveau d'originalité. Mais donc, idée originale de Art Camacho. Réalisation, idée originale, mais qui est Art Camacho? Durant quelques années, quelques 12 années, Art Camacho, qui est un Mexicain, c'est un des rares gars qui fait des films à Hollywood et puis qui est de nationalité mexicaine, si vous en connaissez un autre, dites-moi là, ben, a occupé le poste de chorégraphe de combat pour les producteurs de génie que sont Pépin Méry. Grâce à ce poste prestigieux, il put travailler avec Billy Big Bill Blanks, Coolio, Carlos Chuck Norris, Steven Seagal, Don the Dragon en Biden pour rien Wilson, Martin Kov, Kerbir Munsern, Ice-T, Evan Lurie, mesdames et messieurs, Lorenzo Lamas, Michael Didikoff, le très dégoûtant Billy Drago, Cynthia Rotrock, Jalal, Steven Seagal de Beyrouth, Mary, pour ne nommer que ceux-là. Oh, et puis, ben, il a bien sûr travaillé souvent avec le sublime Gary Daniels, héros et seul survivant du film de ce soir, Ravage. Art Camacho en est à son 6e essai en tant que réalisateur quand il entreprend l'ambitieuse aventure qu'est Ravage. Faut dire qu'il s'était fait les reins en se rendant responsable de Little Bigfoot 1 et 2, des films dans lesquels une famille en vacances vit des aventures fabuleuses avec un Sasquatch de 3 pieds de haut trouvé dans le fond d'un camping. Hein? La suite est logique. Quant aux producteurs Richard Pépin et Joseph Méry, leur nom de famille n'est qu'un heureux hasard concordant avec les deux imbéciles tapeneurs de Hobbit de la trilogie. Pour les amateurs de douteux, Pépin Méry rime surtout avec ralenti outrageux, explosion abusive et fragilité de la vie humaine. Ravage renferme d'ailleurs plusieurs Pépin Mérisations qui vont vous faire comprendre la définition du mot. Gary Daniels, l'acteur principal, n'a quant à lui aucun besoin de présentation et offre sa performance la plus régulièrement pareille à toutes celles qu'il nous a offert. Le gars indécis qui a tout le kick nécessaire pour décider de son destin. Je l'adore. Gary Daniels, c'est un de mes acteurs fétiches. On va sauter, bien sûr, dans les extraits du douteux en question. Après la séquence d'action du début, il y a quelqu'un qui est mort dans la fusillade. On écoute les nouvelles. On peut pas écouter les nouvelles. Hein? Un adolescent a été abattu par des policiers. Le malheureux garçon aurait participé au braquage d'une banque et il a été abattu froidement par la police alors qu'il tentait de s'enfuir. Les autorités ont déclaré qu'il était armé et dangereux, mais il avait laissé tomber son arme et la police ne lui a laissé aucune chance. Nous venons de recevoir une vidéo prise par un témoin qui ne laisse aucun doute. Mais sachez que la scène du film est d'une regrettable violence et peut en choquer plus d'un. On voit très bien que 5 policiers tirent à de nombreuses reprises et à bout portant sur le suspect, alors que celui-ci, désarmé, essayait de se rendre. Il est décédé en arrivant à l'hôpital Saint-Joseph à 14h cet après-midi. Là, tout est Vincent Sloan, t'es le boss de la mafia. 4 gangsters armés ont également été abattus lors de l'attaque de la banque. Ainsi se solde l'une des plus grandes et des plus sanglantes fusillades dans l'histoire de Los Angeles. Le journaliste... Fred Garfield... KRBS, journal de 18h, Los Angeles. Le journaliste dit qu'il était désarmé, fait que là, tu recules. On voit très bien que 5 policiers tirent à de nombreuses reprises et à bout portant sur le suspect, alors que celui-ci, désarmé, essayait de se rendre. Fait que là, il recule les nouvelles. Reprise et à bout portant sur le suspect, alors que celui-ci, désarmé, essayait de se rendre. Que celui-ci, désarmé, essayait de se rendre. Il était... Ça y est, ça y est. Donc, on comprend bien sûr Vincent Sloan en tant que boss de la mafia de chercher vengeance. Mais, y était-tu noir? Non, du tout. Ben, tu peux pas être un boss de mafia noir, ça se fait pas. Non. Ça a jamais été fait. Et de là, le titre, Ravage. Ben, voilà. Vous savez, une cassette vidéo à mettre. Là, après ça, ben, bien sûr, on est dans le bureau du sergent. Fait que c'est déjà personnel à 5 minutes du début. Votre bouche, une seule chose. Ça dure 20 minutes, la IPS. Ça pépin mes rises en 3 minutes du début. Bien, Morgan, vous étiez l'officier chargé de cette affaire. Racontez ce qui s'est passé. Ray Morgan, c'est le héros. Les inspecteurs Vasquez, Chang. Grant, Borman et moi-même, nous sommes lancés à la poursuite du suspect, monsieur. Quand le suspect s'est retourné, il vous a paru être armé. On a tiré après plusieurs sommations, oui, monsieur. Le fait que le suspect soit armé, qu'il ait son gilet pare-balles, vous a forcé à déployer des forces excessives pour neutraliser le suspect. Et voilà. Oui, monsieur. La balle mortelle, qui l'a tirée? Répondez à la question qu'on vous a posée, s'il vous plaît. Qui l'a tué? On a tous tiré, capitaine. Ben oui, il était à 5 à tirer. C'est forcément l'un de nous, mais comment le savoir? C'était mon arme, monsieur. Et voilà Gary Daniels qui met sa tête sur le bio. On a tous tiré. D'accord, d'accord. Quel homme. Bien, rentrez chez vous, prenez la journée. Faites en sorte d'avoir les idées claires pour les interviews. Allez avoir des passes de blonde et revenez pour la suite. Bien sûr, les passes de blonde se passent juste après. Ce qui va se passer, on va couper ça un petit peu court parce que j'ai quand même pas mal d'extraits, puis il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce qui arrive, c'est que là, finalement, Gary Daniels va perdre sa job parce que là, hein, c'est une bavure de trop et il est allé devant le procureur. Et puis là, ben, pour essayer de relaxer, lui et son seul ami, son coéquipier noir, planifient des vacances. Santa Barbara. Ah, Santa Barbara. C'est coéquipier noir, fille? Allons-y, c'est ça. Non, en fait, on c'est sa femme. Enfants, son coéquipier noir est un homme qui a aussi une femme. Petite rusée, toi. Qui n'a même pas de nom, il l'appelle Mrs. Coéquipier noir. On n'a jamais encore été là-bas. Et j'ai entendu dire que c'est si romantique. Où ça? Santa Barbara. Avec deux gosses? Hélène et Lucas peuvent les garder, dis-moi. J'en sais rien. Regardez-moi ces deux tourtereaux. Et voilà le coéquipier noir. Les réservations sont faites. Ah oui? Et pour où? Réservation pour où? Santa Barbara direct. Ce n'est pas le bout du monde. Et moi, je n'ai rien à dire. Tu gâcherais tout. Daniel, tu veux t'amener dans des vacances futiles à Santa Barbara après avoir assassiné sans faire exprès le boss de la mafia de Los Angeles? Ça n'a pas la tête. Fait que tu feras du bien. Fait que là, ben, c'est sûr, je doute que l'action va se passer à Santa Barbara. Dans le film, tu veux dire? La merde. Non, l'action se passe dans la vengeance personnelle, surtout. On va écouter 30 secondes d'update. En fait, on a des nouvelles de Serge Vlaminx. On va vous revenir. Mathieu, tu vas nous parler juste après. On écoute. 30 secondes. J'ai vu ses yeux. Ouf! Maurice Richard. La rivière, le 16e. Oh, attention! Incroyable! Renversant, superbe! Et voilà, c'était l'update nécessaire. C'est un 5e consécutif, un 7e pour l'équipe. Incroyable. Ah, les buts, ils m'ont fait rêver dans ma jeunesse. Hey, hein? Regardez sa réaction. C'est quoi tu vas nous parler? Là, ah ouais, je vais vous parler d'un superbe truc gastronomique qui s'appelle hamburger. Mais c'est pas toi qui parles de poisson d'habitude? Ah, d'habitude, je parle de poisson, mais on... Fait que tu vas parler de fish and chip ou vraiment de burger? On va vraiment parler de burger. Le ham, vas-y. Oh, burger. Yeah. Vas-y, man. OK, fait que commençons parce qu'il nous dit Wikipédia. Alors, un hamburger est un sandwich composé de pain, de viande hachée, principe de bœuf, cuite, de crudité et de sauce. Donc, première chose importante, il faut que votre viande soit cuite. Rappelez-vous, un burger saignant est un burger porteur de colis qui soit fait de cheval, de bœuf, de... n'importe quelle viande. Le problème, c'est pas la viande, c'est les accessoires qui hachent la viande. Un burger, ça se mange jamais saignant. Jamais. À moins que tu sois comme suicidaire ou que tu aies goût de manquer ta job parce qu'il va y avoir un show à RDS avec la compagnie créole. Là, si j'ai le goût. Non, j'ai pas le goût. Mais pourquoi hamburger fait surtout de bœuf? Ah, ben c'est là que ça devient intéressant. Selon l'étymologie, ça viendrait de la ville de Hambourg en Allemagne. Ah, alors, à l'origine, en fait, les Hambourgeois, hein, c'est quand même les habitants de Hambourg, c'était des gens qui ont inventé ce sandwich. Et puis, à la base, semblerait-il, c'était fait avec du porc. Hein, c'est quand même intéressant. Donc, du jambon. Donc... Non, du cochon. Ah, non, mais attention, jambon, on en parlera déjà parlé. Fois, ouais. Et maintenant, je voulais juste vous dire qu'il y a aussi le cheeseburger. Le cheeseburger, imaginez-vous donc que c'est une marque commerciale déposée depuis 1935. Oh, ouais. C'est vraiment cool. Oh, donc, ouais. On peut pas dire cheeseburger et mettre ça sur son menu sans payer des petites redevances. À et qui on paye ça, ces redevances-là? Eh bien, si je ne m'abuse, on paye ces redevances à Monsieur Louis Ballast. Travaillons au Humpty Drive-In de Denver, au Colorado. Hey. Ça, là, ça veut dire que tu t'en vas au Rapido, tu cordes un cheese, puis c'est ça. Ouais, mais... il y a trois quarts de scène qui s'en vont à un gars qui travaille dans un drive-in, qui pousse des boulettes à Denver, Colorado. Mais il y a eu l'idée de mettre une tranche de fromage single. Spécial. Ouais. Mais d'ailleurs, parlant de marque déposée et de burger, savais-tu qu'à Edmonton, il n'y a aucun Burger King? Non. Donc, en fait, il y en a un qui est la propriété d'un indépendant. Et qui a déposé évidemment le nom de son. C'est un registre qui est municipal, alors c'est ça. Il n'a pas voulu vendre à la corporation Burger King les droits. Alors c'est la seule ville en Amérique du Nord où Burger King peut. Wow! C'est fort! C'est intéressant. Ah, et j'ai un autre terme là, vraiment intéressant. Le roi a gardé son royaume, si vous me permettez. Après, le roi a passé au Juicy Lucy. C'est quoi? C'est une autre version du cheese? Eh oui, alors on fourre la boulette avec du fromage. Et une fois le fromage fondant, on obtient Juicy Lucy. D'où le nom de Juicy Lucy. Eh oui, chose qui est fantastique avec les hamburgers, c'est qu'il y a des gens qui participent à des concours de mangeage de hamburger. Ah, ça, c'est intéressant. Et le japonais qui s'appelle Takeru Kabayoshi. C'est quoi, ils ont le record de hot dog et de hamburger? Ouais. Mais non, t'as peu. De hot dog, ils l'ont pu, mais ils l'avaient avant, puis je l'ai le nom, je viens de checker si c'est le même gars. C'est-tu Takeru? Je vais juste checker, je vous reviens, je vais checker et continue. Mais Takeru a mangé 69 hamburgers en 8 minutes au cours d'un concours organisé à Chattanooga. Pensez-y, là, 69 hamburgers. Hey, j'en mange deux, je suis écœuré. T'as-tu dit que c'était Takeru Kobayashi? En plein, lui. C'est le même. Hein, c'est le même. Il y a les records de manches. C'est le champion. S'il mange 69 hot dogs, c'est un solide. Son estomac est blindé. Non, s'il mange 69 hamburgers, t'as dit. 69 hamburgers, mais il y a les dents effilées. Tu peux faire le double hot dog, là. En 8 minutes. En 8 minutes, là, on s'entend là, que c'est pratiquement 10 hamburgers à la minute. Il a le droit de chier en même temps. Il n'a pas le droit de vomir. Mais chose intéressante, c'est que ce gars-là, ça doit être sa job à temps plein, OK? Puis il faut qu'il s'entraîne pour ces affaires-là. Là. Ben, c'est oui. Fait. Ben oui. Pensez-y. C'est un muscle, l'estomac. Et je voulais juste vous dire aussi que le plus gros hamburger a été fait en Thaïlande il y a de ça 2 ans. Probablement, ça a été battu, mais Google s'avérait quelque peu difficile à rechercher là-dedans. Mais bon, ça a été fait avec 25 kilos de bœuf. Oh, OK, man. Mais là, c'est un bœuf de vraiment qualité supérieure, là, on s'entend. Et au bout de la 6h30 de cuisson, ça a donné à peu près 45 livres, là, soit 20,4 kilos. Mm-hmm. Écoutez bien, ça prend 15 tomates, 4 gros oignons, 35 tranches de fromage, une tasse et demie de moutarde, une tasse et demie de ketchup, 4 cornichons complets et 4 piments de jalapeno. Fait qu'on s'entend que tu manges pas ça tout seul, hein? Non, t'invites les amis. Puis, d'ailleurs, parlant de burger asiatique, là, je sais qu'il y avait un burger qui se détaillait 1000 $ Je crois que c'était en Thaïlande, parce que là-bas, ils... en tout cas, il y a des hôtels qui coûtent un peu cher, ouais. Là, puis ils font des événements souvent basés sur la bouffe. Et puis, pour que ça vaille 1000$, là, c'était du bœuf qui venait de Kobe au Japon. Déjà, l'élevage du bœuf là-bas, c'est impossible parce que ben, ça coûte cher, ils n'ont pas de place, tout est montagneux, tout ça. Et c'était des bœufs qui recevaient des massages thérapeutiques pour avoir des muscles attendris, puis tout ça. Puis, dans le burger, il y avait des champignons, des espèces de truffes qui coûtent une fortune, toute la patente. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'ils font ça en Thaïlande avec des chefs qui font venir de France ou des endroits réputés. Et puis, les gens payent très cher. Pendant la journée, ils les envoient dans des régions pauvres pour voir la pauvreté en Thaïlande. Puis à la fin de la journée, ils ramènent en hélicoptère. Puis là, vous allez manger, ça va coûter cher. Mais on vous a sensibilisé sur la pauvreté. Oui. Ben, au moins, c'est de toute beauté. Et je crois qu'il y a des chefs qui avaient été engagés pour ça. Puis quand ils ont su comment que ça se passait dans la journée, là, t'sais, ils ont dit « Ah, moi, je me désiste. » Là, ça... Ben, c'est un petit peu lousse. Hein? C'est un ouais, c'est bizarre. Hein? Il manque de magie. On s'appelle Témis qui était passé puis qui nous parlait de cuisiniers sans frontières qui apprenaient à des jeunes désœuvrés à faire de la cuisine et devenir ainsi productifs. Mmh. Et puis, ben, on est un petit peu plus fiers de ça. En tout cas, quand tu vas au El Zazium puis tu cales le monstre, là, ça, c'est un gros burger là, qui prend ton assiette. Là, puis tu le manges, tu as un t-shirt. Ça, c'est oui, pur, et je le possède, ce t-shirt d'ailleurs. Et j'aimerais conclure avec un fait qui va vous. Sensibiliser davantage. T'as-tu dit fait qu'elle va nous. Non, vas-y, qui va, vas-y. Qui va vous sensibiliser la consommation que vous faites de toute cette bonne viande de bœuf, là. Mm. Eh bien, selon le World Wide Fund, au Brésil, on déforeste la forêt amazonienne pour trois raisons très écologiques. Alors, la première, c'est faire de la viande de bœuf. Ben oui. La deuxième, la graine de soya, hein, pensez-y. Pour nourrir le bœuf. C'est ou tous les Khmer verts de la terre. Et finalement, on produit une autre de l'essence écologique avec de l'éthanol. Ah ouais. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles qui sont très bonnes qu'on déforeste l'Amazonie. Donc, se nourrir végé ou avoir un véhicule qui consomme de l'éthanol, mais bon, faites-vous-en pas. Qui permet de l'acheter un burger chez McDo parce qu'ils ont le service à l'auto. Fait ta part pour l'environnement en déforestant la forêt amazonienne. Fait que ça s'annule, dans le fond. Ouais, c'est spécial. Ouais, puis ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Hey, les gars! On va écouter, avant de continuer l'émission, on va écouter une toune que j'ai cherchée pendant à peu près 12-13 ans. Ça vient d'un OAV qui s'appelle L'Attaque du Dragosaure. Je pense que le héros, vous allez le reconnaître. On vient à 70% pour la deuxième séquence d'extrait. Ravage! Et puis une nouvelle, hein, Saumur? Ben oui. Bon. Mm-hmm. Bon. Plus que... Yeah. quand il se met à faire froid, qu'il pleut à si haut et que les terrains sont détrempés, quand les sentiers battus ne sont accessibles qu'aux plus intrépides et que les pistes en sous-bois ne permettent l'accès qu'aux 4x4, c'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester en dedans. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester à l'abri. Il y en a qui préfèrent rester bien au chaud. Il y en a d'autres, des hommes, des vrais, qui sentent l'appel et qui boivent de la bière. Pas d'oiseau. Oui, accusée de vol, elle invoque son SPM. Figurez-vous donc, rejeté comme moyen de défense au terme du procès, le syndrome prémenstruel invoqué par l'accusée pour expliquer son geste du 1er février 2007 a certes incité la cour à démontrer de la clémence envers la Gatinoise de 45 ans. Donc, c'est au Québec, ça? Le 1er février 2007, la dame de 45 ans s'est rendue aux galeries de Hull pour y acheter un pantalon. Après avoir sélectionné un des pantalons, la cliente s'est dirigée vers la sortie sans payer son achat. La caissière du commerce a ensuite demandé à l'accusée de revenir à l'intérieur du magasin, ce qu'elle a refusé de faire, choisissant plutôt de se diriger vers la sortie du centre commercial après avoir déposé le pantalon par terre. La caissière qui a voulu s'interposer a par la suite été bousculée par l'accusé qui a finalement été arrêté par un agent de sécurité. Lors du procès, l'accusé avait invoqué le fait qu'elle souffrait depuis 13 ans, donc depuis l'âge de 32 ans, du syndrome prémenstruel qui la rend sujette à de l'impulsivité et à la panique. Donc, dans son rapport déposé en cour, le médecin de l'accusé précise ne pas être en mesure de conclure que le délit a pu être causé par le syndrome, bien que madame ait été traitée avec du Prozac et qu'elle avait cessé sa médication au moment de l'incident. Ah, tout d'un coup, ouais. Hey, sapristi! T'es fou, hein? Voyons donc, c'est quoi ça? OK, mais j'en ai un autre. Ah oui, fais-moi mal. On restons dans la chronique judiciaire. Donc, le détenu Michel Lapointe a vu sa peine d'incarcération être réduite de 6 mois mercredi au Palais de justice de Longueuil, mercredi la semaine passée, c'est très récent, parce que son obésité morbide lui occasionne de nombreux inconvénients à la prison de Bordeaux. L'homme de 430 livres a expliqué au juge Marc Brisson que les 20 premiers mois de sa détention avaient été un véritable enfer. Il a du mal à prendre sa douche, son matelas est trop étroit pour lui, il n'arrive pas à se glisser entre la table et le tabouret qui sont fixés au sol de sa cellule. Il a été arrêté en septembre 2006. Lapointe a plaidé coupable en février dernier à des accusations de trafic de stupéfiants, complot pour trafic et trafic au profit d'une organisation criminelle. Il a demandé à ce que le temps qu'il a passé en détention préventive compte en triple plutôt qu'en double, comme c'est normalement le cas. Alors, mercredi, le juge Brisson l'a condamné à 5 ans de pénitencier, donc il a soustrait les 20 mois de détention préventive, en plus d'un boni de 6 mois. Alors, M. Lapointe, donc, devra purger 14 mois, finalement, au lieu de 5 ans, avant d'être soumis à une probation de 3 ans parce qu'il est obèse. C'est comme la nouvelle que Bruno nous a racontée il y a 2 semaines. C'était un gars qui a poursuivi sa prison parce qu'elle le sous-alimentait. Il était passé de 523 livres à 380 en 6 mois. Le gros. Voyons. Que dire? Si vous me permettez, messieurs, on va retourner dans l'excellent, le fabuleux Ravage, version française de Recoil. En réécoutant la chose tantôt, j'ai particulièrement remarqué la fadeur du personnage de la femme du méchant Sloane. Perpétuellement outrée, elle ne sert qu'à mettre en relief la méchanceté du méchant Sloane. Faut spécifier que les personnages féminins du présent ouvrage ne servent qu'à fournir du relief aux personnages masculins, seul réel vecteur d'action et de sens. Ce qui est très rare pour un film au scénario de qualité. D'habitude, les femmes sont très impliquées dans un film au scénario de qualité. C'est quand même 50% de la population. On va parler de l'idée originale de Art Camacho, l'histoire de Recoil Ravage. Ray Morgan est un détective du service de police le plus cool au monde, le LAPD. C'est le meilleur, donc chef de son unité d'intervention spéciale. C'est aussi un croyant, comme le prouve son crucifix de poitrine si souvent cadré. Après une fusillade comme les autres, un matin, ça tourne mal. Morgan accepte la responsabilité du décès accidentel de Steve Sloane Jr., fils du parrain de la mafia la plus cool du monde, la MLA. Ravage devient ensuite une chute vers le bas pour Ray Morgan, qui perd dans l'ordre, updaté aujourd'hui tantôt. La première chose qu'il perd, c'est sa job. Ensuite, il perd 4 de ses coéquipiers tués par Sloane, qui a lui aussi, en sa qualité de méchant, le droit de se venger. Je suis plein de questions, tout d'un coup, ça vient de me claquer dans la face, mais dans la mafia, comment tu peux être le fils de ton parrain? T'es le fils de ton père, mais parrain, c'est comme parrain de la famille. Ok, c'est beau, continue, poursuis, je m'excuse. C'est correct. 3, Morgan, après avoir perdu 4 de ses coéquipiers proches, apprend que sa vie est menacée. Ensuite, il perd toute sa famille dans une chute record de 13 tonneaux faite le long d'une falaise. Il se retrouve sévèrement blessé suite à 13 tonneaux en bas d'une falaise. Face au désespoir, il songe au suicide. On est rendu à 7. Il se fait pépin-mériser son coéquipier noir, seul personnage secondaire encore en vie. 8, il se fait détruire sa réputation par son patron. Ah, ouais! Son patron est un traître. Ensuite, 9, trahi par tous, il place tout ce qui lui reste de sa ferveur religieuse dans ce qui lui reste de cause valable, sa vengeance personnelle. 10, il va perdre ensuite quelques anciens collègues, connaissances au minimum, obligé de les muncher dans sa quête de vengeance personnelle. Pas facile quand t'es le vecteur du bien et le seul héros du film. On va aller ici voir, parce qu'après la fusillade, désarmé essayait de se rendre, le méchant barin de la mafia, il a une vie lui aussi, hein, fait que ça va pas bien dans sa vie. On va aller savourer ça. Vincent, regarde-moi. C'était notre bébé. Et tu l'as laissé traîner dans les rues. Tu as accepté qu'il fasse partie de ce gang. Tu n'es que... Julia, il a fait son choix. Il avait sa place dans la famille. Il a choisi de s'en aller. Il aurait pu rester, mais seulement à tes conditions. Tout le monde doit se plier, vivre sous ta coupe, ou tu ne l'acceptes pas. Même moi. C'est le lot de parrain de la mafia. Julia. Marcus était mon fils. C'est comme l'antécédent des Sopranos. Peut-être. Sauf que ça, c'est... Alors, je t'en prie, promets-le-moi. Plus de meurtres inutiles. Si le sang coule encore une fois. Shit. Ça ne finira jamais. De film. Juste des meurtres très, très utiles. Hein, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans le film, continuer à profiter de la magie des dialogues qui ont été pondus par l'excellent Art Camacho, idée originale de. Là, plus loin, c'est ça, bien sûr, on s'en doute, le parrain de la mafia décide de faire sa vengeance personnelle, sa vendetta. On est donc avant que la famille de Sloan se fasse tuer. On va voir de quoi ça parle. Devon, Andrew, Nicolas, je réclame toute votre attention. Regardez ces visages. Ce sont vos prochaines cibles. Alors surtout pas d'erreur. Vu ? D'accord, papa. Monsieur Sloan, c'est sûr que je connais la grande efficacité de vos fils, mais vous tenez à les impliquer directement. Laisse-nous faire, Brown, sur ce point, je crois pas que ça te concerne. Brown, c'est le tueur de la famille. C'est une affaire de famille. Vu ? Puis là, vu que c'est un gars de la famille qui est mort, inspecteur Jésus Vasquez, qui ont une très grande efficacité, vont participer à le sergent David Chang, au risque de les perdre caritative. L'officier Michael Grant, une nouvelle recrue. Peut-être. L'officier Alex Borman, vétéran depuis 5 ans, vit à Simi Valley. A toujours eu un faible pour les prostituées. L'inspecteur Ray Morgan dit que c'est son arme qui a tué Marcus. Fais voir. Bon, écoutez-moi. Ces 5 hommes ont tué votre frère. Frère. Ils sont tous responsables. C'est personnel. S'il était mort en se battant, j'aurais sans doute pu l'admettre. Mais là, ils l'ont descendu comme un chien. Comme. Exactement. Il y a la séquence demain, à TV. Ils vont tous mourir. Le journaliste était... Oui, bien dit. Andrew. Ils l'ont mis à TV le soir même. Allez, fonce. T'inquiète pas. Non, entendu. On va s'occuper d'eux. Bien, bien. Si ça aurait été une fille, il l'aurait tué comme une chienne. Oui. Puis si ça avait été un chien, je sais pas ce qu'il aurait dit. Débarrassez-vous des preuves. Je ne tiens pas à ce qu'on fasse le lien avec mon fils Marcus. Et voilà, donc, la famille Sloan au complet is out for revenge. Ça va tuer, bien sûr. Ah, là, il y a la fille qui est pas contente. On a parlé des personnages féminins. Ils ont sûrement des fils, eux aussi. Julia, je t'en prie, lâche-moi, tu veux? Prie pour leur famille, leurs enfants, leur mère. Julia, écoute, j'ai vu ma mère en pleurs assez souvent. Je venais d'avoir 9 ans le matin où j'ai enterré mes 3 oncles. Quand mon père a reçu une balle, j'ai dû faire vivre la famille. Tu sais ça? Si quelqu'un s'avise de tuer un Sloan, il paye. C'est personnel. Et c'est tout ce que t'as dit ton Dieu. Et voilà donc. Mais, Julia, Ben non, mais si l'autre qui comprend pas. Une petite pause ici à NHL, on vient pour une nouvelle. Je me suis dit, un muscle sportif de mon anatomie. Comment on appelle ça, mon mal? Les termes exacts, je sais pas. Je sais que c'est, ça a à faire avec un muscle en dedans de la laine, comme ils appellent ça, une laine de quelque sorte. Là. T'as demandé au médecin, là, moi, là, les termes de docteur, je sais pas pourquoi tu me demandes ça, ben je sais jamais répondre. Je sais que c'est médical, ça fait mal. Comme un joueur qui voulait, puis mon tissu dit, on est content de ça avec nous autres, vas-y à l'attaque, on veut que tu comptes des buts pour nous autres, on veut que tu... peut-être Jeff avoir la rondelle, puis Joe aussi, puis ça a bien fonctionné. Le premier match, j'ai compté deux buts à Toronto, puis ça a bien continué. Terroriste! Pourquoi avez-vous autant de valeur pour lui? Ce salopard a essayé de m'éliminer cette nuit, mais il a échoué. À l'aube, je vais le traquer comme un animal, et j'accrocherai sa peau au mur! Vous n'aurez pas à le traquer. Pourquoi? C'est lui qui vous trouvera. Vous êtes fou. Un homme seul contre des commandos d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Vous pensez peut-être que c'était à propos de Rambo, mais non, c'est effectivement le général Trautmann qui parlait de Simon-Pierre Bilodeau, qui fête encore une fois son grand retour à la radio. Simon-Pierre Bilodeau, nouvelle s'il te plaît. Oui, eh bien, un petit village côtier de la Nouvelle-Écosse va tenir en fin de semaine son premier festival du pissenlit. C'est l'organisateur principal de l'événement à Wallace, qui est une petite ville du nord de la province, qui a fait valoir que les pissenlits sont fort jolis, qu'ils ne nécessitent aucun entretien. Donc, Doug Perry a confié que le village était rempli de la fleur jaune soleil, que plusieurs événements communautaires seraient organisés pendant des années. Les résidents de Wallace ont fréquenté le festival de la tulipe du village voisin, le village Truro, c'est ça. Mais l'événement a été annulé, alors ils ont senti le besoin de tenir leur propre festival avec un thème floral, disons, végétal. C'est cute. Alors, le pissenlit était un choix évident, selon M. Perry, car il se retrouve partout dans le village à cette période de l'année. Et comment juge-t-on du plus beau pissenlit en ville? Des juges spécialisés dans l'étude de la plante sont là pour la chose. Faut goûter les feuilles, hein, parce qu'elles se mangent en salade. Hey, puis sinon, j'ai une autre nouvelle là-dessus. Moi, les pissenlits, là, saviez-vous que ça n'existait pas avant la venue des premiers Européens? C'est une plante qui n'existait pas en Amérique du Nord. Ah ouais? Ouais, c'est comme gros écureuils gris, ouais. C'est comme les moutons. Ah ouais, ils sont montés ces bateaux, genre, puis... Ouais, comme les chevaux aussi, là, ça n'existait pas en Amérique du Nord avant l'avenue des premiers Européens. La grippe non plus, je pense. Wow! Le cancer, la guerre. Bon, on sent bien hein, quand on voit ça. Le sinon, sexe entre hommes. Toi, t'as-tu autre chose à dire, Mathieu? Ça serait cool, me semble. C'était cool, ta chronique sur le hamburger. Ben écoutez, il y avait une chose que j'avais oublié de mentionner. Ben vas-y. C'est la saison des barbecues. Hey. Habillez-vous. Et voilà. Piper une boulette et se brûler à 350 degrés sur le chest, c'est pas très agréable. Ah ouais, c'est pas fou. Habillez-vous hein. Tout court, là. Ouais, non, ben tu sais, le tablier, là, best cook of the world, mettons. Ouais, genre, là, tu sais, là, avec plein de sang dessus, là, c'est vraiment nice, là, mais disons que je suggère pas de faire ce nu. Le barbecue, hein, passez-y. Deux petites secondes, les scénarios catastrophes qui peuvent se produire. Et boum, c'est c'est que t'as de la cave à l'hôpital, là, à l'urgence. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis brûlé. Encore une victime du barbecue. La saison fait des victimes. Hey, ben, sinon, c'est quoi? Je vais sauter dans le ravage. Moi, il me reste encore des extraits. Toi, il te reste des nouvelles? Ben, j'avais fait une chronique, là. Ben, wow, vas-y, man! Allô? Allô? Donc, pauvre victime. Ouais, c'est ça. Ah ouais, fais-la ta chronique. Je la retrouve, puis je la fais, mais je la retrouve pas, là. Comment on va voir? Mon pénis, cause numéro un de scène. Putain, puis, ben, sinon, il y a eu la fontaine de jambon en fin de semaine. Il y a Simon qui a décidé finalement de revenir. Ben, c'est ça. Là, il a trouvé sa conique, là. On a parlé de Ginette Renault aussi, pas mal en fin de semaine. On a parlé. On a parlé de balles. Ouais, on a parlé de balles. Ben, vas-y, parle de balles, toi. Ben, depuis bientôt deux mois, la LBMF, la Ligue de balles méga fiable, s'organise pour jouer au parc de balles du Supermarket et vous êtes tous invités. Et je profite de l'occasion pour demander à Simon-Pierre Ledeau, j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe. Ça va me faire plaisir. Donc, bon, c'est quoi? On se retrouve tous le samedi à partir de 1h, on va jouer à balle au parc Pierre-Marquette. Là, c'est c'est au coin Papineau. Puis, tu sais que tu des autographes? Je signe pas d'autographe, mais avant, on va déjeuner chez Philippe, c'est à côté de chez vous. Bon, fait que tout le monde est le bienvenu le samedi. Tout le monde est le bienvenu, c'est très important. On se split dans une équipe, puis on a tout sauf pas de fun. Voilà. Simon, nouvelle? Chronique? Oui, OK, je peux y aller avec, une nouvelle. Une nouvelle c'est, chronique? C'est ce jeune homme de 22 ans qui s'est gravement blessé en tombant du deuxième étage d'un immeuble à Grenoble. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il participait à un concours de crachat lors d'une fête bien arrosée dans un appartement. Alors, le jeune dont l'identité... Ouais, le jeune dont l'identité n'a pas été précisée, vers 3h-10 le matin, il est tombé sur le pare-brise d'une voiture stationnée au bas de l'immeuble transporté au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Il souffre apparemment d'une vilaine fracture du fémur ainsi que d'un traumatisme crânien. Ses jours ne sont malheureusement pas en danger. Alors, selon ses amis, la victime a voulu prendre son élan en courant à travers la pièce pour cracher le plus loin possible dans la rue. Il n'a pu s'arrêter en arrivant sur le balcon et l'a alors basculé dans le vide. Est-ce que l'histoire dit s'il a craché plus loin que tout le monde? On le sait pas, mais parce qu'il est encore en vie, il n'est pas éligible aux Darwin Awards. Non. Les prix Darwin qui récompensent les gens. Les pires morts, ouais. Les plus stupides en mourant, finalement. Ouais, ceux qui ont aidé l'humanité en ne passant pas leur gène. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. En se soustrayant du patrimoine génétique mondial. Appelons ça comme ça. Et sinon, j'ai également ce beau comique. C'est une histoire qui est arrivée au Canada. C'est un homme qui prétend avoir souffert de problèmes psychiatriques après avoir trouvé un insecte mort dans une bouteille d'eau qui a été livrée à son domicile en 2001. Alors, on y avait, dans un premier temps, accordé 300 000 $ de dédommagement qui aurait dû lui être versé par le fournisseur. C'est un certain Martin Mustapha qui est coiffeur à Windsor, en Ontario. Évidemment, il n'a pas bu l'eau de la bouteille, il a juste vu l'insecte dedans. Il est néanmoins devenu obsédé par les mouches mortes et leurs conséquences révoltantes pour la santé de sa famille. Il affirme en avoir perdu le sommeil et avoir vu sa vie professionnelle ainsi que sa vie sexuelle péricliter. Différents médecins ont d'ailleurs diagnostiqué des troubles dépressifs graves accompagnés de phobies et d'anxiété. Alors, un tribunal de première instance, comme j'ai dit, lui avait accordé 341 000 $ de dommages et intérêts. Là, il y a eu 341 000 $ puis il se plaint encore. Non, en fait, c'est que la cour d'appel a renversé le jugement. OK. Arguant que Culligan, c'est la compagnie qui embouteillait, n'aurait pas pu prévoir là, dans aucune façon la réaction inhabituelle de M. Mustapha. Donc, la cour suprême... qui a tranché également du même avis que la cour d'appel. Elle a estimé que les troubles de M. Mustapha étaient trop éloignés de l'incident pour justifier des dommages. Alors, M. Mustapha, rejoint dans son salon de coiffure, a exprimé sa déception et a continué à dire qu'il avait été traité de manière injuste. Il avait l'habitude de boire de l'eau en bouteille, précisément parce qu'il avait entendu dire qu'elle était plus propre que l'eau du robinet, et découvrir qu'elle n'était pas aussi pure que le suggérait la compagnie, il avait dévasté. Entendu dire, sapristi, s'est défié sur ce qu'il avait entendu dire. Pauvre Mustapha, salon de coiffure. Il avait été dévasté. Il dit, je cite, « Je suis le genre de personne qui fait très attention à sa santé, à celle de ses proches. Ma confiance a été trahie par Culligan. » Tabarnak, hein? L'avocat de M. Mustapha... C'est devenu personnel. Je réfute la société comme elle est bâtie, même. L'avocat de M. Mustapha, Paul Pape, a affirmé sans rire jeudi dernier qu'il n'y avait... aucun doute que la cause de son client était honnête et sérieuse, bien sûr. En raison des circonstances inhabituelles de l'affaire, les gens rigolent, a confié Maître Pape dans son bureau de Toronto. Cela place mon client dans une position difficile, mais il a été assez fort pour rester debout et se faire entendre. L'une de nos plus grandes priorités est de s'assurer de livrer des produits sécuritaires. Par contre, contre-affirmé M. Rosenthal, qui est porte-parole de Cooligan. Il s'agissait d'une poursuite inusitée. Nous n'avions jamais eu vent de quelque chose de similaire. Hey, on sait bien trop d'affaires, cette compagnie-là. Là, c'est débile. Terminé. Fait qu'il y a des mouches dans les coups, le machin. Là. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Hey, merci, man. T'es rentré à l'embouteillage. Ouais, ben, en fait, c'est déjà la fin de l'émission. Hein. C'est passé comme une brise. Je peux pas passer sous silence non plus suite au... Il y a eu des tremblements de terre en Chine récemment. Ça va vite, man. Oui, ben, il y a cette dame, cette policière chinoise qui a allaité 9 bébés devenus orphelins qui achetaient de l'empoudre fournie par l'armée. Oh boy! Hey, il y a une chance qu'elle était là. Hein? C'est un petit peu plus utile que l'autre qui a craché le plus loin. Merci Mathieu, c'est super cool d'être passé. Ben, merci pour l'invite. Sa deuxième, Simon, merci beaucoup. Tu m'as donné faim, t'en prie. Israël, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Douteux.org, vous votez pour le film qui va constituer le douteux à regarder de la semaine prochaine. Pour l'instant, ben, on va vous laisser avec une chanson de Charles Michael Kittredge Thompson 4. Juste après notre petite toune de générique, là, on va mettre la 2. Merci beaucoup, c'était 70%. On met jamais la 1, hein? Ah, des fois, je la mets la 1. OK, go, oh, vas-y, vas-y. Là, c'est la 2. Aïe, aïe, c'est chaud. J'ai mal au cerveau. Aïe, aïe, j'ai mal à mon lobe frontal. Mais là, ça va. Is there a place that you can't go back to? Is there a town? There are whole states you don't even wanna pass through. Are you getting down now? You're a weekly renter. Is your mind gone? Are you dog tired? Do you feel like you can't get no worse? I'm a big guy. Can we try? Center, you burn inside me like a star. Anatomy in my heart, anatomy in my heart. Is your mind gone? Are you dog tired? Do you feel like you can't get no worse? I'm a big guy. Can we try? Burn inside me like a star. Anatomy in my heart. Anatomy in my heart. Ah,